Ce mec n'a jamais fait de chronique avant, le voici, c'est Guillermo Guise, le héros du jour. Héros du jour, c'est ça. Ah ben oui, c'est ça. Ah oui, c'est toi dont on parle. À l'endroit, s'il te plaît. Alors, mon héros du jour, ça aurait pu être mon tonton, Chacha. Il a décidé de quitter la Belgique pour aller s'installer dans le nord de l'Espagne. Vraiment terre familiale de mon arrière-grand-père, Francis Ernesto Wisgin Fils, Brurquiz, Torqueda, Fuente Garza, Garcia, Garcia Senior, dit Franco. Enfin, Franco, pour moi, c'était juste Papinou, tu vois, l'homme qui m'a tout appris, la pêche à la mouche et la gégène. La famille, quand même, c'est des souvenirs. Hein, c'est des souvenirs. Et donc, mon oncle, sur Facebook, il a créé un groupe où il poste toutes sortes de contenus à la gloire de l'Espagne maintenant. Et genre, il poste des photos de la différence de température entre le village belge où il vit et le village espagnol où il va s'établir, quoi. Et franchement, je sais pas pourquoi il fait ça. Soit tu veux vraiment qu'on ait tous le seum, soit tu veux qu'on le rejoigne là-bas, quoi, tu vois. Il y a 157 membres dans le groupe, tu vois. Moi, je trouve qu'on devrait tous attendre qu'ils soient enfin installés et aller sonner chez lui à 157 en faisant bah, tu nous as convaincus. Franchement, c'est tellement mieux, il fait plus chaud ici, c'est toi qui avais raison, c'est où les chambres d'amis, vraiment, tu vois. Ceci dit, je crois qu'il s'est trompé de destination, mon tonton, enfin, mon tonton, El Tonton, comme on dit. Il y a le rapport sur les pays les plus heureux. Il y a le rapport sur les pays les plus heureux du monde qui vient de sortir et l'Espagne n'est que 29e et la Belgique est 19e, tu vois. Donc, on est 10 places. Mieux que devant l'Espagne. Mon tonton, il a lâché une Maserati pour rouler en multiplat, quoi. Vraiment. Cette analogie, elle n'est pas folle, on est tous d'accord, mais je remplace Daniel Morin. M'emmerdez pas avec la rigueur de mon texte, hein, tu vois. Il est 11h58. C'est pas que les auditeurs vont faire. On sent nettement une paire de qualités. Il est pas du tout 11h58. Non, la Belgique. Ah oui, pardon. Merde, on y va. C'est pas grave. On oublie. Men in Black. Donc la Belgique est 19e et la France est 20e, à votre avis? On est bien classé. Moins bien classé. 14e. Tu dis combien? Mieux. Moi je dis 20, 28. 15. 30. Si. 38. 27. Vous êtes 20e. Juste une place derrière nous, quoi. C'est sérieux. Franchement, comme quoi vous êtes cassé la tête à gagner deux Coupes du Monde. Au final, ça vous sert à quoi? À chialer chez vos psys comme tout le monde. Hein. C'est vrai qu'un pays beau comme le vôtre, on serait tellement plus heureux. Nous, en Belgique, on a la mer à un seul endroit et c'est un ambassadeur de Satan qui l'a dessiné. Franchement, vous avez Biarritz, nous, on a la panne. Qu'est-ce que tu veux qu'il t'arrive de bien à la panne? C'est dit dans le titre, vraiment. La panne, ça donne envie de crever dans un cuistax. Et vous connaissez pas le cuistax, c'est une blague spéciale pour Pouli. 20e. En plus, 20e, c'est le meilleur classement atteint par les Français depuis que cette étude existe, quoi. Ça veut dire que les gilets jaunes, la crise des retraites et la pandémie, ça vous a fait gagner des places au classement du bonheur. C'est quoi ce pays de masochistes? Avec la guerre en Ukraine et l'élection de Zemmour, on vise le top 5. Hein, franchement, ça va être le top. En fait, ce classement, on l'obtient en croisant le PIB, le niveau des solidarités, de liberté et de corruption avec des sondages auprès des populations, quoi. Ça me semble superflu parce que, d'après moi, l'indice de bonheur d'un pays, c'est plus facile à calculer quand tu regardes où on a le plus facilement accès aux sneakers glacés et tu sais qui est le plus heureux. La preuve, vous savez qui est numéro un au classement? La Finlande, quoi. Putain, la Finlande devant le Danemark et l'Islande. Tu vois, que des pays où tu peux laisser ton sneakers dehors. Il tient, quoi. Il tient, tu vois. Vous savez qui est dernier? L'Afghanistan. Pourquoi? Parce que tu laisses un sneakers glacé dehors, les talibans ils te le volent, ou alors ils font. Vraiment, c'est... les deux, quoi. Putain, Finlande, Danemark, Islande, t'as l'impression que le bonheur, c'est les 10 000 mètres aux Jeux Olympiques, c'est toujours les mêmes, ils chopent les médailles, quoi. C'est les mêmes, quoi. Vivement l'année prochaine que je puisse voir si l'Espagne est plus heureuse avec mon tonton dedans, et on lui souhaite une bonne retraite. Allez, tonton, bonne émission. Qui est plus heureux avec ton tonton dedans? T'as honte.